Douiman. Bonjour ou bonsoir, cela dépend de votre zone d'écoute. Voici les grands titres de ce journal. Les violences basées sur le genre s'observent encore dans le pays sous différentes formes, allant jusqu'à l'assassinat. Le rappel a été fait ce samedi 8 mars à Bouvanza lors de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Les constructions dans la ville de Gitega doivent absolument se référer au plan directeur de cette ville allant jusqu'en 2050. Un rappel du gouverneur de cette province. Le sucre manque sur le marché à Bururi. Les maigres quantités disponibles se vendent clandestinement, comme a pu le constater notre correspondant. Et le monde médiatique burundais pleure la mort ce samedi soir de Ramamu Tasson, le célèbre animateur de la section Kiswahili à la radio-télévision nationale du Burundi, la RTNB. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Pénurie de sucre à Bururi où un seul kilogramme s'achète à 10 000 francs burundais alors que le prix officiel est de 6 000. Mais là aussi, il est difficile de trouver où l'acheter car il se vend clandestinement. L'administration constate que la demande est de loin supérieure à l'offre pour ce produit car les acheteurs d'une seule colline partagent entre 50 et 150 kilogrammes ou légèrement supérieurs. Zénon Zambimana. Le sucre est introuvable dans toutes les boutiques du chef-lieu de la province de Bururi, mais se vend de bouche à l'oreille chez certains commerçants à 10 000 francs burundais le kilogramme, selon certains des acheteurs. Tous les consommateurs n'ont pas accès à ce produit devenu rare et dont le prix a été revu à la hausse. Quand ces commerçants constatent que vous risquez de le dénoncer, vous n'êtes pas servi, selon toujours ces acheteurs qui grognent qu'ils ne sont jamais servis même sur le sucre que l'administration distribue sur les collines une fois le mois à 6 000 francs burundais le kilogramme, le prix fixé par le gouvernement. Les sources administratives à Bururi disent qu'une petite quantité qui arrive à Bururi une fois par mois est partagée équitablement sur les collines et quartiers, mais le constat est que la demande reste de loin supérieure à l'offre, car toute une colline ou tout un quartier partage entre 50 et 150 kg ou légèrement supérieur. Selon les mêmes sources, ces grognes sont fondées car tous les acheteurs ne sont pas toujours servis. D'autres reçoivent entre 1 et 2 kg. Certains de ces acheteurs trouvent que le gouvernement devrait étudier très profondément comment augmenter la production du sucre pour l'acheter à volonté et au prix connu dans les boutiques. Depuis Bururi, Zenon Zabimara pour la radio Isanganiro. Les violences basées sur le genre se manifestent encore dans certaines localités du pays sous différentes formes, allant jusqu'à l'assassinat. Emerance Bouchoumi, représentante du Forum national des femmes, l'a dit à Bouvanza ce samedi lors des cérémonies de la Journée internationale des droits de la femme. Évariste Ndayishimiye, président de la République, a quant à lui prévenu que les auteurs de ces violences, de même que les hommes qui passent des journées sur les Lingalas, vont désormais être attrapés et contraints à exécuter des travaux forcés. Spes Caritas Kabanyana. Dans son discours, Emerance Bouchoumi, qui représente le Forum des femmes au niveau national, a déploré le fait qu'il y a encore dans le pays des femmes et des filles qui sont victimes de violences de plusieurs formes jusqu'à la mort. D'autres sont laissées seules dans des travaux ménagers et des travaux champêtres au moment où leur mari passe des journées sur des lingalas et dans les débits de boissons. Ils vont ensuite gaspiller les récoltes et amènent des concubines et les conflits commencent dans les ménages comme elle l'a précisé. Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, dans son discours, a fait savoir que les hommes qui ont des comportements pareils et qui passent leur temps sur des lingalas ou dans les débits de boissons seront désormais attrapés et obligés à faire des travaux d'intérêt public. Une recommandation donnée aux administrateurs des communes. Évariste Ndayishimiye a ajouté que des sanctions pareilles ont déjà commencé avec les hommes qui ont été attrapés sur des lingalas dans la ville de Bujumbura et qui ont été contraints de participer à la construction du stade. Spes Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Le gouvernement devrait créer des centres de prise en charge des traumatismes post-conflit et donner du travail aux psychologues cliniciens en chômage. Cela permettrait au pays de se développer. Proposition faite au cours du forum organisé par le Centre d'alerte et de prévention des conflits, CENAP. Netunga Désiré, directeur général au ministère de l'Intérieur, indique que ces psychologues n'ont pas manqué de déboucher, mais que les Burundais n'ont pas la culture de consulter en cas de traumatisme. Il les appelle à changer de comportement. On fait le point avec Sheila Irambona. Comme l'explique le père Dieudonné Niwidi, conférencier du jour, les traumatismes post-conflit peuvent aboutir à beaucoup de conséquences, notamment le suicide. Selon lui, le gouvernement devrait créer des centres d'écoute et ainsi créer de l'emploi pour les lauréats des facultés de psychologie qui n'ont pas de travail. Un parmi ceux qui ont intervenu a proposé à ce que le gouvernement le fasse urgemment. À ce propos, le directeur général au ministère de l'Intérieur, Désiré Nitunga, indique que ces psychologues n'ont pas manqué de débouchés, mais plutôt que les Burundais n'ont pas la culture de consulter en cas de traumatisme, il les appelle à changer de comportement. Vous saurez qu'au cours de ce forum, beaucoup de gens ont affirmé que le gouvernement devrait accorder une grande importance au travail de gestion des mémoires pour que le Burundi puisse avancer. Merci Sheila Irambona. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le président de la Commission Vérité et Réconciliation appelle les Burundais à la culture du pardon, même si peu sont ceux qui osent le demander. Pierre Claver Ndayicariye s'exprimait dans une conférence débat organisée ce vendredi 7 mars sur les conditions du processus de réconciliation burundi. Il estime que toutes les victimes des massacres des années antérieures doivent jouir de la justice et de la restitution de leurs biens spoliés. Bakorewe amahano mu myaka yose yakozwe batunganirizwa ivyo ntibisigura gusa imanza bisigura cane cane gusubizwa iteka batswe. Nous voulons que toutes les personnes qui ont été victimes des massacres des années antérieures recouvrent leur dignité, pas seulement au niveau de la justice, mais aussi que leurs biens spoliés leur soient restitués. Nous voulons que le pardon demandé soit donné. Ceux qui se sont entretués, s'ils sont incapables, peuvent s'asseoir ensemble, dialoguer, partager, de façon qu'une fois quelque chose de mal leur arrive, ils luttent ensemble. Dans plusieurs enquêtes menées par la Commission Vérité et Réconciliation au Burundi, peu sont ceux qui acceptent de demander pardon. Wasanze mu Burundi ahamuranyumiriza neza abemera gusaba ikigongwe no kugitanga bakiri bake aho rero turacahagwariye. Je vous l'avais dit dans les titres, toute personne qui voudrait ériger des constructions dans la ville de Gitega doit absolument se référer au plan directeur de la dite ville allant jusqu'en 2050. Un rappel du gouverneur de cette province du centre du pays qui ajoute que trois collines, dont celle de Rukoba, sont en train d'être viabilisées. Venama Nirambona appelle le gouvernement et ses partenaires à y mettre plus de moyens financiers au nom d'une capitale politique digne de son nom. Suivez-le, il est traduit en français par Jérôme Hakizimana. Hariho ivyategekanijwe yari byo bitegekanijwe muraze yuko sibikogwa ku munsi umwe nubuga yuko ari bikogwa bija birahanahana. Il y a eu planification. Dans ce cadre, cela ne se fait pas en un seul jour. C'est une suite sur des années. Nous avons déjà réalisé quelques travaux. Tout d'abord, en ce qui est des constructions, elles doivent suivre des normes d'une ville. Nous y avons travaillé en interdisant des constructions anarchiques pour que les techniciens s'y penchent, notamment le traçage des routes et la maquette des maisons à y ériger. Nous faisons ce qui nous concerne, les techniciens eux aussi. Je vous informerai que certains endroits sont en train d'être aménagés. À titre d'exemple, les études sur toute la colline de Rukoba s'achèvent très bientôt pour commencer avec le traçage des routes et que les constructions débutent. C'est un grand espace. Le ministère des Infrastructures, l'Obura et l'ARB nous y appuient. Il y a également la colline d'Obgoga. Les études sont en cours. Nous demandons au ministère des Infrastructures et à ses ingénieurs de penser à nous quand ils reçoivent des appuis financiers. Nous espérons que les deux phases seront couvertes. Ayant en outre la colline de Rutegamon, nous avons demandé à ce que l'on nous aide avant qu'il n'y ait plusieurs maisons à Rutegamon et à ses environs. Même si en plein centre-ville de Gitega, nous n'acceptons plus n'importe quelle maison, toute personne doit se référer au schéma directeur. Nous ubu tudapfa kwemera inyubako zose zubako ari ugomba kubakabwiza kwisunga bitekanijwe. C'était le gouverneur de la province de Gitega, Venant Mani Rambona, qui indique cependant qu'un problème d'eau potable persiste dans cette ville qui ne cesse de s'agrandir. Le rationnement reste l'une des voies de sortie. En actualité internationale, en République démocratique du Congo, trois semaines après la prise de contrôle de Bukavu par le M23, l'insécurité règne à Bukavu, la capitale provinciale du sud de Kivu. En effet, des personnes sont tuées et des maisons attaquées par des bandits armés presque chaque soir. Selon des témoins, de nombreux présumés criminels sont également lynchés la nuit par des habitants en colère. Ce climat délétère inquiète la société civile, les mouvements citoyens et les défenseurs des droits humains. Amos Wissimwa, militant du mouvement citoyen Observatoire des actions parlementaires et gouvernementales en RDC, explique que l'insécurité est notamment causée par les évadés des différentes prisons de la ville de Bukavu et des territoires. On peut les estimer à plus de 5000 évadés, profitant des armes abandonnées dans la rue par les FRDC qui ont pris la fuite. Et 10 ans après la disparition forcée du journaliste et militant zimbabwéen Itai Zamara, sa famille et ses proches ignorent toujours tout ce qui s'est passé. Le 9 mars 2015, l'homme, à l'époque âgé de 35 ans, a été enlevé par 5 individus à la sortie d'un salon de barbier en banlieue de la capitale Harare. Depuis, les organisations de défense des droits de l'homme continuent à réclamer une enquête. Et selon Amnesty International, sur les 2 dernières années, 10 opposants politiques ont été enlevés dans le pays, puis pour la plupart relâchés, sauf dans le cas de Tafumanei Masaya, dont le corps sans vie a été retrouvé en 2023 dans une ferme. Et hors du continent, ce dimanche 9 mars, le président syrien Ahmed al-Shara a appelé à l'unité nationale dans le pays après 3 journées de violence communautaire sans précédent depuis la chute de Bachar el-Assad, qui ont fait plus de 1000 morts, dont une majorité de civils alaouites. On termine ce journal par cette nécrologie. Le célèbre journaliste sportif Rama Mwitasson, ayant exercé depuis les années 1970 à la Radio-Télévision Nationale du Burundi, a rendu son âme à 78 ans ce samedi 8 mars. Ce journaliste senior est parmi les promoteurs du derby des matchs de Bujumbura entre Vitalo et Interstar. Alexis Ndayisenga revient sur son parcours. Karibuni ndugu msikilizaji katika kipindi cha ulimwengu wa michezo. Kama kawaida siku ya Jumamosi ni kijana Arakandi Patrick Rama Mwitasson. Celui-ci est Rama Mwitasson, le journaliste sportif depuis 1970. Il est né en 1947 dans la zone de Buyenzi, en mairie de Bujumbura. Il a fait ses études primaires à Buyenzi. Il a étudié Bodo pour suivre ses études secondaires et universitaires en Tanzanie. Après avoir terminé ses études, il a commencé à exercer le métier de journaliste. Il y travaillait le plus souvent dans la section Kiswahili, les émissions sportives. Rama Mwitasson a commencé à travailler à la Radio-Télévision Nationale du Burundi. Il était avec Rachid Alfred. Lui aussi a commencé en 1973 et aussi Fatouma Fides qui a commencé en 1979. Rama Mwitasson a rendu son âme ce samedi le 8 mars 2025 en âge de 78 et il a laissé 10 enfants. Il était déjà en retraite. Que la terre lui soit légère. C'est sur cette page nécrologique que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.